reconnaissant liboso na yo Yesu. Koyeba yo nakomi lelo eza fruit ya befort na ngai te na ba relation na ngai te. Naza lokola Petero, nasala butu mobimba nazwa te, mais ntango nakutana na yo peche na ngai ekoma miraculeuse. Makoma boye mpo na yo Yesu. Swanga la prête à porter te Olo kotanga e biteni biteni Salanga e marque déposé na yo Loko la archil na maboko ya potier Pesanga forme yo lingi Na koma na profil na yo Yesu Otalanga na feble sans autotère Oboya kolongo la pema yo pesanga Nasuko lobi, je te veux comme ça Oza la passion ki non abonga Esika batangelinga dernière chance Yawe yo pesanga y seconde chance Nasuka balobi, eko simbate Avec toi je peux faire des exploits encore Encore et encore Kalifianga na bakongo nyoso Pona louange na pesa na mokonzi Baebi sangale kulusu bakufa combien O maître de fou pona nyoso na pesa ka Jezu Nini na zanango e utie pa na ete o Pona yesue na zana reserve te Na koma boye pona yo Sika mosusu na kokyo komate Soki kaka pona kombo ya famiye Nesika mosusu na koko niatate Soki kaka pona ba diplome Nesika mosusu na kokyo komate Kasi pona yo ba limite kweya Kasi pona yo ba singe katana Kasi pona yo ba efelo kweya Na koma boye pona yo na mesure sukali na mungu abatiaka na mesure ata batailleur batongaka na mesure soki pe komela bamelaka na mesure ata mosala basalaka na mesure soki pe kolia baliaka na mesure soki pe kolala balalaka na mesure bola mwa nzambe na vinanga ye na couleur ya nzoto Nisika mosusu na kokyo komater Soki kaka bona kombo ya famille Nisika mosusu na kokyo nya tater Soki kaka bona ba diplome Ne bayi mosusu na kokyo tanga mater Kasi pona yo ba limite kweya Kasi pona yo ba singe katana Kasi pona yo ba mire kweya Nase reconnaissant Yesu Na koma boye pona yo Na koma boye pona yo Na koma boye pona yo Tete, oloko tanga ebi teni dambo ndambo Salanga imarke depose na yo Loko la archil na maboko ya potie Pisanga forme o lingi Lokoma na profile na yo Adie, Adonai, Adonai Adonai Utalanga na feble sans otote Je te veux comme ça Osa la passion qui nous n'a bonga Et si kaba tangelinga dernière chance Yahweh obesanga y seconde chance Nasuka ba lobby et kosimate Nasima yo nasala exploit Nakoma